écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. Y a miracle ici, oh mon ami, viens, oh viens. Y a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh viens. Y a miracle ici, viens, viens. C'est miracle, tu veux, viens chez moi, viens, viens. Tu aimes les riz, papa, papa, viens chez moi, viens, viens. Tu adores les riz, popopo, po, viens chez moi, viens, viens. Ah, les chrétiens d'aujourd'hui sont trop fans des miracles. Ils adorent l'évangile, le spectacle. On aime Jésus, mais on n'aime pas sa croix. Aucun sacrifice, mais on adore sa gloire. Quand on entend les paroles du genre, tu vas travailler. Amen. Tu vas enfanter. Amen. Tu vas voyager. Oh, amen. Tu vas te marier. Amen. Tu vas prospérer. Oh. Et Dieu bon. Pour ça, on répond vivement. Amen. Parce que si le pasteur t'a pas flatté, c'est gâté. Mon frère et ma soeur, tu verras pas la quête. Ah, y a miracle ici. Viens, viens. C'est miracle, tu veux, viens chez moi. Viens, viens. Tu aimes les riz, papa, papa, viens chez moi. Viens, viens. Tu adores les riz, popopo, po, viens chez moi. Viens, viens. Mais quand l'homme de Dieu te dit, il faut changer, il faut pardonner, il faut beaucoup prier, il faut te réconcilier, il faut même jeûner. Pour ça, on répond froidement. C'est les gens les fidèles qui aiment flatter les bergers. Tout ça pour les envoyer en brousse. Non, ils ont fini ça. Pasteur, tu es trop puissant. Quand tu ouvres la bouche, la chair les poules. Sincèrement, Jésus n'est pas plus fort que toi. À toi, il y a miracle ici. Viens, viens, viens. Merci, Dieu. Buvez de l'eau, on me reprend. Bon. Ça va, mon frère? Ouais, très bien. Tout ça te bénisse. Amen. Tout ça te bénisse. Prenez de l'eau rapidement, on commence parce qu'il s'est fait tard. Il est quelle heure là-bas? 14h37. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Asseyez-vous et que peut-être une ou deux personnes prennent de l'eau pour vous servir le temps ou bien vous détendre un peu votre pied. Et puis on continue. La prochaine séance pour vous initier ici, c'est quand? Ok, ok, ok. Donc. Comment on fait l'habitude? Donc vous informez quand vous voulez que vous y veniez, je suis à votre disposition. Alors on peut continuer. Si vous êtes assis pour longtemps et que vous avez mal aux pieds, laissez-vous les sauter, vous détendez votre pied. Ça vous fait du bien. Ça va, mon frère? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Tu veux parler? Non. T'es prêt à prêcher? C'est bon, c'est bon. Dans ta Bible, là, tu as des messages, non? C'est bon, c'est bon. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, continuons dans cette autre séance. Je suis à votre disposition. Je crois que les femmes vous êtes au courant. Je ne vous ai pas dit parce que je ne voulais pas vous faire fuir pour la prochaine fois. J'ai dit de façon sommaire, c'est que là, en tout cas, nous avons lu dans la Bible de façon sommaire vos obligations. De façon sommaire, vos obligations. Donc maintenant, de dire à quelqu'un que c'est toi le gardien ici. Tu sors, tu reviens le trouver dans le bureau en train de signer les papiers. Les enfants. C'est très grave, pas vrai? Les frères, si vous êtes à l'aise, posez des questions. S'il n'y a pas de questions, maintenant, moi, je vous pose ma question. Il y a plein de questions là. Mais posez dans les questions, je suis là. Toute question biblique a une réponse biblique. Oui, la main. Viens nous t'asseoir ici, maman. Viens, assieds-toi ici, pas ici, comme les gens sont passés. Où ta Bible? Les enfants ne veulent pas partir? Elle n'est pas. Ok, suivant la question, je suis prenant la question de ce côté. Quittez le soleil, les jeunes filles là, asseyez-vous pas ici. Oui. Vous entendez là-bas, hein? Je suis en train de dire que je parle, c'était toujours pour les problèmes des femmes. Oui. Parce qu'on a tant parlé de fou au point que s'il y avait moyen de me transformer en un homme. Mais comme c'est impossible. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de mauvais qui a été dit de la part de Dieu? Est-ce que dans ce que nous avons lu, il y a quelque chose qui vous dénigre? C'est une grâce de porter une vie, non? Même la loi physique vous protège de telle enseigne que si quelqu'un touche une femme qui est enceinte, il sera réprouvé par la loi de façon avec une véhémence, n'est-ce pas? Donc c'est une grâce. Vous donnez la vie. Comme vous nous donnez la mort, c'est comme ça que vous nous donnez la vie. Une femme accouche d'un enfant, jette à la poubelle. Une pauvre innocente. Jette à la poubelle. Entre temps, une autre femme en chercher ce même enfant là. Cherche comme ça, elle ne voit pas. Une femme accouche un enfant, garde l'enfant, mais met le poison pour que l'enfant d'une autre personne aussi meure. Continue, pose ta question, ma soeur. J'étais en train de dire que j'ai cru. Quand j'ai accepté le Seigneur, c'était pas facile. J'ai été beaucoup vraiment persécuté par mon mari, au point qu'il n'a pas pu supporter et il a écrit la lettre de divorce. Dans la lettre de divorce, c'est ça parce qu'il était dedans, mais il m'avait donné la lettre. Il m'avait dit qu'on doit voyager pour aller au village. Chez tes parents? Non. Quand il parlait au village, c'était pendant les vacances. Alors c'était un moyen pour me laisser chez mes parents que moi je ne connaissais pas. Étant au village, au niveau du marché qui nous sépare de leur village à mon village, c'est là où il me donne la lettre, il me dit que tu dois d'abord aller chez vous. Et je vais te retrouver le soir. Quand j'arrive à la maison, il me dit que là-bas, tu donnes la lettre à ton père. Quand j'arrive au village, je donne la lettre à mon père. Il détache la lettre, il donne à mon grand frère. Que lis-nous ça, explique. Lis-nous ça. Dans la lettre, il dit que Zena a été tellement têtue, elle est entrée dans une secte à Douala. Dans cette secte, on demande mon premier fils et moi. J'ai vu que je ne peux plus supporter. Je préfère me marier avec une femme Satan et elle se marie aussi avec un homme de l'église. Et vraiment, je ne peux pas supporter. Si elle n'accepte pas changer de religion, moi je l'ai amené à Douala pour qu'on se marie, on accouche les enfants, elle prépare l'habitude, je mange. Mais elle est allée entrer dans une secte. Moi, je veux qu'elle choisisse. Si elle va rentrer encore avec moi, qu'elle dit qu'elle ne doit plus aller à l'église là. Mon père a dit que hey, ce n'est pas possible. Moi je connais l'église protestante, catholique et tout. Voilà. C'est quelle église que tu es allé à Douala entrer là-dedans? Moi je suis derrière ton mari. Voilà. Et avec les mamans des enfants que tu as déjà partait là, je ne peux pas supporter. Tu dois seulement rentrer chez ton mari. Bon, ce n'est pas possible. Et mon grand frère m'a pris à côté pour me donner des conseils d'amis. Seulement ça ne peut pas aller. Il faut que tu changes. Tu crois à l'église de ton mari. Ça veut dire que tu rentres servir là où ton mari veut. Et mon père m'exigeait que tu nous dis la vérité. Parce que quand il va venir ici, il va dire que tu as changé de religion. Oui. Il a dit que non, je ne peux pas moi changer. Mais mon père, pour couper court, c'était pas facile. Moi, j'ai souvent renvoyé chez mon grand-père avec mes enfants. J'avais des jumeaux et leurs grands frères. Donc j'avais trois gars. Étant là-bas chez mon grand-père, les conseils pour que je refuse la religion, moi naïf de mon côté, je croyais que à Jérusalem, il n'avait plus de péché là-bas. Je suis entré dans la chambre et commencé à dire que Seigneur, je veux moi aller. Jérusalem, c'est quoi? Tu voulais partir en Israël? Je parle, je vous parle des choses que je parlais sans comprendre. Je parlais comme ça à Dieu sans comprendre. Je vous raconte mon histoire. Non, ça ne dit que tu as dit Jérusalem, Jérusalem, c'est la capitale Jérusalem d'Israël. Je ne connais pas, papa. Je vous raconte mon histoire. Attends, mais tu te mets à côté de toi, on raconte ça. Donc, je raconte, je disais alors que je veux aller à Jérusalem parce que moi, je croyais que là-bas, on ne pêche pas. Oui, on ne pêche plus. Et je ne veux pas, moi, me marier. Si mon mari ne veut pas entrer dans mon... Donc, crois à l'évangile. Oui. Si c'est comme ça, je reste moi sans me marier. Oui. Si lui, Dieu veut que je rentre encore chez mon mari, que lui-même Dieu touche le cœur de mon mari. Quand mon mari est revenu le soir, mon père a dit que voilà, ce n'est pas facile. Elle a dit qu'elle ne peut pas échanger de religion. Comme ça, mon mari a pu se rentrer à Douala. Étant au village, J'ai repris à l'église protestante. Ça consiste à protester maintenant. Oui, à l'église protestante. Étant là-bas, on connaissait déjà qu'on m'a chassé à cause de l'église. Dans lesquelles moi-même j'ai aussi témoigné en disant que vraiment abandonner les idoles, ce n'est pas bien. Croyez au vrai Dieu. On dit, ah, alors, dans le secte là, on a appris qu'on l'a même chassé. Et c'est comme ça que j'apprenais aussi les petits-enfants, j'ai chanté avec les petits-enfants, Dieu devant moi, Dieu derrière moi, dit que non, on n'a pas pris les enfants, les chants, des sectes-là, qu'il faut quitter. Donc même à l'église protestante, tu allais amener la révolution là-bas. Oui, ils m'ont chassé aussi à l'église. Voilà. Ils m'ont chassé à l'église, je suis resté à la maison. Mais un 4 matin, mon mari a envoyé l'argent que je dois rentrer à Douala. Avant d'envoyer l'argent que je dois rentrer à Douala, je parlais de Dieu à qui veut et qui va entendre, dans laquelle il y a même eu la réunion familiale. Donc j'ai parlé de Dieu, j'ai témoigné qui je suis, de la parole, j'ai témoigné le bienfait de Dieu, comment le Seigneur m'a accordé la grâce de le connaître et de changer mon comportement vis-à-vis de ce que je faisais. Et pendant que je parlais, je parlais de la parole de Dieu comme ça, c'était étrange dans ma famille, bien sûr, dans la grande famille, vu que tout le monde ne connaissait pas ce Dieu-là. Nous sommes d'abord nés comme donc, les gens qui craignaient les marabouts. Donc mon père marabout, les ancêtres, mon grand-père marabout. Donc on ne connaissait pas qu'il y avait un autre Dieu qui était plus que le Dieu des ancêtres. Ce qui fait que quand je venais avec ce Dieu-là là-bas, c'était étrange. Alors, moi, rentrant ici à Douala, quand mon mari a envoyé l'argent, les frères et les soeurs sont venus dans la journée. Quand ils ont appris que je suis venu, ils ont dit que non, ce n'est pas comme tu es venu là, c'est bien. J'ai dit que non, mais mon mari a dit qu'il ne veut pas voir les frères et les soeurs ici. Donc ne mettez plus pied ici. Et surtout le point de foulard, ils connaissaient les enfants de Dieu par le foulard. Ils les connaissaient par leur habillement. Quand ils voient une soeur, quelqu'un passe à l'intérieur, foulard, qu'on la sent de l'argent, ça dit que c'est l'un d'eux là-bas, alléluia. Maintenant, il y a une soeur qui s'est détachée parmi les soeurs là. Et venu me dire que, mais toi, tu dois garder la position de chrétienne. Tu dois obéir à ton mari, te soumettre à lui. Mais veille à lire ta Bible et à prier. Amen. Qu'est-ce qui va se passer le dimanche surtout, veille que tout le matin tu fais la cuisine, tu lui poses sur la table et tu lui mets l'eau. Quand tu finis de faire ça, tu te laves, tu rentres dans la chambre, tu pries et tu lis ta parole, tu restes là. Comme il a dit que tu ne viens plus à l'église, veille à prier et à méditer, à lire la parole de Dieu. Que Dieu bénisse cette soeur. Je n'ai pas fait, si je dis que 3 semaines, autour de 3 semaines, je n'ai pas fait 1 mois pour couper court. Dimanche, vers 10h, quand j'ai passé le temps là, le culte, on faisait le culte à partir de 9h30. Donc 10h, j'avais déjà fini jusqu'à j'étais déjà dans la chambre. Il ouvre la chambre et dit que c'est quoi ça? Tu veux dire créer l'église ici? C'est quoi ça ici dans la Bible? Les chants, c'est quoi? Tu veux dire créer l'église? Sors! Va trouver tes gens là. Pendant qu'il parlait comme ça, mon mari m'a d'abord fouetté correctement. Donc il parlait comme ça, il a sorti la ceinture encore pour me fouetter. Je suis passé entre ses mains comme ça, courir. Je venais à l'église parce que c'était même mon souhait. Quand j'arrive à l'église, maintenant il dit hey, la soeur, comme la soeur aussi avait la citation. On n'est même pas sûr si c'est son mari, vrai. Ils ont mis les frères derrière moi pour qu'on rentre à la maison pour s'assurer si réellement c'est mon mari qui l'a chassé. Oui. Quand ils arrivent, ils parlent que ouais, papa, c'est comment? Non, ça va. Non, on a vu la soeur. Oui, elle veut dire créer l'église. Il y avait déjà, la chambre là qui est à ton église. C'est moi qui a dit que viens vous joindre là-bas à l'église. C'est moi qui a dit qu'il ne faut pas l'église ici. Et maintenant, la semaine qui suivait, le dimanche qui suivait, elle a dit que tu pars seul. Pas avec les enfants là, pas avec tes enfants à l'église. Et à l'église, on m'apprenait toujours la position de la femme. C'est-à-dire quoi, la position de la femme? La soumission. La soumission. Maintenant, quand je regarde tous ceux qui ont cru dans ma famille, je peux dire, je n'ai pas prêché, mais j'ai témoigné ce que Dieu a fait pour moi. Alors, quand je regarde maintenant la position de la femme, parce que fur et à mesure que le temps passe, le Seigneur m'accorde la grâce, ça arrivait au niveau que le Seigneur m'a utilisé. Je n'ai même pas su que c'était de la prophétie. C'est une autre sœur à côté de moi qui dit que tu sais ce que tu viens de faire là. J'ai dit non. Il dit c'est la prophétie. Parce que c'est ça, au commencement était la parole. Et la parole était avec lui. Je ne connaissais pas lire. Même maintenant, là, comme on a dit l'autre jour, que si tu ne connais, si tu reçois quelque chose, tu peux écrire, tu donnes là. Je ne connais pas écrire. Et quand le Seigneur m'utilise, je ne peux pas répéter la même chose en écrivant. Ça part. Oui, quand l'Esprit de Dieu, quand tu reviens en toi, ce n'est plus ça. Alors, je suis embarrassé dans la vie de la femme que je suis. En tant que femme, parce qu'aujourd'hui, là, ce n'est plus la même chose. Je sais à travailler dans le cœur de mon mari. Et je bénis Dieu aussi parce que hors de ça, mes enfants, les quelques ont accepté le Seigneur Jésus. Et quand je regarde la marche, c'est au niveau, les femmes, maintenant, au niveau que je me suis prié même à l'église. On ne peut pas prier, chanter, on ne peut pas chanter. Donc, il y a beaucoup de ces règles qui sont sorties. Je n'arrive pas, ou c'est moi qui comprends mal, ou c'est que peut-être la façon... C'est comme si on veut vous muser, pourquoi tu ne chantes pas, tu ne pries pas, n'est-ce pas? Oui. Bon, je suis... Donc, tous ces problèmes-là, c'est pour vous poser quelques questions. C'est pour poser la question, comment la femme, alors, en tant que chrétienne, doit se comporter? Doit se comporter. Voilà, donc, voilà là où ma question est là. Donc, je crois qu'en tout cas, toutes ces explications qu'elle a fait, il y a déjà les réponses même dedans, pas vrai? Toute la réponse est là. Et en plus, en gros titre, nous avons lu cela, ce qu'on a lu dans le livre des titres là-bas. Et elle a également dit qu'elle a eu à prophétiser. La Bible déclare qu'au dernier jour, verset, mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes auront de vision et vos vieillards auront des songes. Donc il y a un enseignement spécifique pour cela. Je crois que le frère va vous en donner. Si vous voulez écouter ça de façon posée, vous écoutez. C'est gratuit. Tout est gratuit. D'accord? Pour que vous connaissez quelle est la position. Ne luttez pas contre Dieu parce que vous pouvez servir, croire que vous allez servir Dieu tout en luttant contre lui. Il faut seulement maintenant dire, ok Seigneur, parce que vous pouvez avoir été conduit d'une certaine façon. Il faut que chacun rentre avec sa Bible, écoute, lisant la Bible en priant devant le Seigneur, que Seigneur, si je suis dans une faute. C'est comme par exemple la soeur elle disait que dans l'évangile, vous voyez, quand il commence à lui poser la question que est-ce qu'il y a une femme évangélique dans la Bible, elle a dit non. C'est comme une autre personne va dire, c'est Dieu, j'ai une alliance personnelle avec Dieu, Dieu m'a appelé prophétesse. C'est pas le fait de dire en disant que c'est une alliance qui est faite ou bien que c'est Dieu qui m'appelle personnellement qui va faire que ce soit parce que Dieu ne peut pas contrôler sa propre Bible. Vous comprenez le problème, n'est-ce pas? Parce que toute révélation doit être contrôlée par les Saintes Écritures. Se dites que non. En 1918, les trois enfants qui ont vu la vision de Fatima ont eu une vision. Ils sont tenus là-bas dans le champ là-bas. Il y a une statuette qui s'est passée là-bas, ce que vous appelez Marie là-bas, la reine du ciel, est apparue dans les nuées là-bas. Elles ont vu les enfants, il a dit que va dire aux prêtres du village qu'ils vont continuer à rester de Jésus. Ils ont couru, aller dire aux prêtres, ils sont venus, c'était toujours là, tout le monde a vu, près de 4000 personnes ont vu, ils sont postonnés là-bas. Mais c'était postonné là-bas, c'était une révélation spirituelle qui parlait du cœur immaculé de Jésus. En donnant des ordres avec des choses, des mystères que le pape a gardé jusqu'aujourd'hui parce que ça touche la papauté et touche le Vatican. Par rapport au projet que l'Église catholique est censée faire. C'est écrit, c'est quelque chose, c'est un fait historique qui est là avec les images. Il y a eu une révélation spirituelle, mais cette révélation-là est démoniaque. Bien qu'elle ait dit les choses qui soient vraies, c'est quand même démoniaque. Donc ça dit qu'on doit examiner toutes choses selon les Saintes Écritures. Un ange, et nous avons lu ça ici dans une autre partie, qu'un ange ne peut pas venir dire quelque chose qui est contraire aux Saintes Écritures. D'accord? Toutes les personnes là, les millénaristes et autres là-bas, Ellen G. White, nous parlions, avaient les fréquentes visitations des anges. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Souvent, elle tombait même en transe au point où on ne la voyait pas. Elle était raide, son pied ne bougeait pas. Mais regardez les écrits, ce qu'elle a écrit. Près de 5000 pages qu'elle a écrit comme ça là. Une écrivaine par excellence. Et voilà où on en est. Et vous allez beau dire maintenant, il a passé le 7e jour que vous n'avez pas de bureau, ça ne va même pas comprendre. Pourquoi? Parce que Ellen G. White dit ceci. Jésus dit ceci, Ellen G. White dit ceci. Comme ça dans toutes les sectes. Témoin de Jéhovah. Vous êtes témoin quoi? Il dit Jéhovah. Mais Jésus a dit que vous serez mes témoins. Donc vous n'êtes pas les chrétiens. Donc ce ne sont pas les chrétiens. Mais ils sont là, ils disent qu'ils sont témoins de Jéhovah. Qu'est-ce qui se passe? Russell a dit. Russell a dit. Non a dit. Russell a dit, Frank Rutherford a dit, ouais, cela n'est-ce pas? Mais la Bible dit, la personne qui parle selon la révélation biblique aura toujours raison. Parce qu'il parle selon la parole de Dieu. Et donc, toutes les révélations que vous devez avoir, vous devez la mener vers la parole du Seigneur. Parce que Satan peut vous demander, ma fille jeune, tu auras des visitations. Il peut te conseiller cela. Ma fille, tu me plais beaucoup. C'est normal. Parce que dès le départ, il y a eu des alliances avec lui. L'esprit doux et paisible. Qui est d'un grand prix devant Dieu. Gardez cela à l'esprit. L'esprit doux et paisible. Qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi séparait autre femme. Ainsi séparait autrefois les saintes femmes. Comme, à l'exemple, ça veut dire, si tu veux savoir comment cela, comme Sarah, qui était soumise à son mari et l'appelait son Seigneur. Je vous lance le défi de rentrer à la maison aujourd'hui. Dis à votre mari, mon Seigneur, je suis ta servante. Il m'a dit que ça a commencé depuis quand? On t'a envoyé de venir m'embrouiller ici. Vous voyez que vous allez surprendre son organisme de la foi. Même son amour sera perturbé. Parce qu'il n'attend pas ça de toi. Vous savez, il y a une femme qui m'avait rencontré en 2010. C'est une femme qui vivait, elle avait des cicatrices avec son mari. Donc quand elle luttait, c'est son mari qui prenait le couteau pour donner que conjoint. Parce que ça va aboutir là-bas. Donc en commençant les luttes, chacun prenait le couteau. Quand je les ai rencontrés, je parlais. Après, je vais prier pour sa femme. Je lui ai montré ses positions aussi de Dieu. Quand elle est rentrée à la maison, son mari a commencé à comprendre. C'est elle-même qui me raconte plus tard que Junior, j'étais surpris que moi, j'étais calme. Donc elle-même était surpris de son comportement. Parce que quand Dieu traite l'intérieur, vous vous rendez compte que vous êtes seulement là-bas. Parce que le Saint-Esprit en vous va le faire. Et puis son mari, elle ne réagit pas. Et puis son mari prend le couteau, j'étais devant lui. Il dit, chérie, il te demande pardon. Son mari aussi balance le couteau au sol. Qu'est-ce qui arrive? Il dit, c'est Junior qui m'a enseigné quelque chose. Il a dit, Junior, là, c'est qui? Son mari m'a appelé pour me voir. Qu'est-ce que tu as fait à ma femme? Donc l'évangile transforme. L'évangile ça transforme. Et de temps, c'est que si vous avez reçu l'évangile, si c'est en vous, même si les gens sont de vous juger un peu comment, la Bible déclare que vous soyez, qu'on voit que les anges qui sont dans le monde voient vos bonnes œuvres et qui glorifient Dieu le jour, il va les visiter. C'est le voir qui est chez eux. Même si quelqu'un vous persécute, c'est parce qu'il n'a pas cru. Et remarquez-vous que, à un moment que vous croyez, quand vous avez cru, il y a longtemps que vous n'avez pas cru, vous étiez exactement à la même situation que cette personne. Donc, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et par conséquent, nous n'avons pas fustigé les gens parce qu'ils n'ont pas cru à ce que nous avons cru. Même ce que je viens de vous dire là, je suis conscient qu'il y a des choses qui, bien que vous entendiez comme ça, ça vous paraît difficile de le faire. Je m'attends parce que vous le faites, mais si le Saint-Esprit ne vous donne pas, vous ne pouvez pas faire. Vous comprenez cela? Alors maintenant, si le Saint-Esprit vient à vous de la bonne façon, poum, vous allez quitter. Quand je me suis converti, parce que j'étais amateur, vous savez, les PlayStation qu'on fait sur la radio, l'ordinateur. Quand j'étais à l'université, je ne partais pas à l'université. Je passais toute une journée. Pour ceux qui connaissent ce qu'on appelait PlayStation, on a organisé un championnat italien. J'ai choisi la Lazio de Rome, ou bien le FC Juventus. J'ai choisi là-bas, il y a une autre équipe qu'un frère choisit. On est là-bas, on joue. Je mets la brosse à dents comme ça le matin, il me lève, il y a la brosse à dents ici. Je joue comme ça, mais tout comme ça les 19h. Imaginez à quel niveau j'étais plongé là-dedans. Point d'attache, c'était ça. Je joue comme ça, on joue comme ça. Souvent, on fait un jour là-bas sans s'en rendre compte. Le jour, la porte là, on est à la cité. On joue comme ça, wow, les gens passent. Les gens jouent, ils jouent, ils jouent. Ils sortent, ils m'avaient mangé, baigné, ils reviennent, ils continuent. Wow, ils me posent, on continue le championnat. Jusqu'à ce que le championnat finisse. Imagine le championnat, combien d'équipes il faut jouer. Il faut jouer les éliminatoires. Les éliminatoires, jouer le couple, ainsi de suite. Jusqu'à ce que ça finisse. Quand on porte, on me dit, ouais. Et puis, je vais à la maison. Le Saint-Esprit vient vers moi. Il vient le lendemain. Il dit, casse. Il porte la TV là-bas. Regarde bien, écoutez bien très attentivement. Puisque tous savent à la cité que s'il y a quelque chose qui attache le garçon, c'est cela. Oui. J'ai porté devant eux comme ça là. J'ai fait comme ça, regardez bien l'ordinateur, comme ça. Chacun est sorti comme ça. Les gens disent magie cristal. J'ai sorti les CD comme ça là. Venez, j'ai cassé devant eux. En tout cas, je ne les gérais pas. C'est pour ça que ma conversion a été radicale. Au point où mes camarades de classe, mes camarades de classe qui sont aujourd'hui les enseignants de l'université, un jour j'ai demandé à l'une d'elles, que dis-moi ma chère, pourquoi à l'université tu me fuyais? Parce que la grève qui a eu lieu à l'université en 2005, c'est nous qui avons organisé la grève. C'est nous qui avons organisé la grève parce qu'ils n'aimaient pas l'injustice. Ils disent ça doit changer. On a commencé avec les troupes, ça a pris toutes les universités. J'étais là devant devant le gouverneur. Le gouverneur a amené les militaires. Il dit que vous allez marcher, sinon vous passez. Et puis subitement, cette même année, je me convertis. Je comprends qu'ils ne doivent pas lutter contre l'autorité. Donc les gens à l'école connaissaient, à l'école même les professeurs avaient peur de moi parce que vous ne pouvez pas faire quelque chose. À l'école, quand le professeur bavarde, c'est histoire là, quand il bavarde, quand je suis fatigué, il prend mes clés comme ça, il ne vient même pas là-bas avec le cahier, il prend mes clés sans les sortir. Le professeur dit que tu pars où? Il m'a vu à la maison, c'est obligé que je sois ici. Le professeur me regarde, il regarde les gens, il dit, mais Yohanda, personne m'a jamais parlé comme ça. Oui, cool, j'ai dérangé vraiment. C'est pour ça que je suis obligé maintenant de déranger le monde des ténèbres parce qu'ils nous ont dérangé. D'accord, ma soeur? Alors, quand il prend mes choses comme ça, il parle. Le professeur arrête le cours. Il dit que non, il n'a jamais dit les choses comme ça. J'ai dit, ici, c'est le cours magistral. Il n'y a pas une obligation à l'université qu'il fasse le cours. J'ai payé, non? Oui, oui. Alors, je suis obligé. Si je veux faire le cours, il fait. Il ne fait pas, il fait. Il dit comme ça, il sort, il part. Le professeur ne pouvait rien faire. Donc, tout le monde, mes camarades me connaissaient comme un rebelle. Quelqu'un à qui on ne peut pas dire quelque chose. Il y a un professeur qui venait un jour, il a donné le cours, les exercices des mathématiques. On était en année licence. Il a donné les exercices. Vous savez, on fait le cours pendant des jours. Et puis on donne les exercices. Moi, ça ne me dérange pas. Je suis sur ma PlayStation. Je joue tranquillement. Les gens sont là sans se tuer. Parce qu'on vous donne le cours. Il faut un temps pour assimiler, pour faire les exercices. Il dit que je ne peux pas jouer son jeu. C'est lui qui va jouer mon jeu. J'ai joué mon jeu. Il vient le matin. Le matin, grand matin, il vient, il demande à personne après personne. Il dit que celui qui n'a pas fait les exercices sort. Moi, je n'aime pas d'abord le cahier. Je m'assois tranquillement là-bas. Il contrôle les gens, il met dehors. Il arrive sur moi, il dit, monsieur, où votre cahier? Je ne le gère même pas. Il dit, monsieur, je n'ai pas le cahier, sortez. Il dit comme ça, c'est tout naturel que quand un professeur dit que sortez, il doit sortir, il la traverse. Et là-bas, il dit, monsieur, sortez. Il dit, non, monsieur. Il était étonné, il dit, pardon, non, monsieur. Il dit, c'est le coup magistral. Il n'y a pas une obligation de faire les exercices, on n'est pas au lycée ici. Il a dit, quoi, tcha. On a fait ça. Il s'est fâché, comme je faisais la physique, on était manager avec les mathématiciens. Il a fui, il allait dire au chef de département qui est un garçon là, qui l'a. Il dit, mon ami, tu es à l'université, fais attention, parce que je ne sais pas qui est là. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, j'étais souvent, quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, imaginez, j'ai un peu plus de poids parce que ma femme n'a pas le douleur que je mange. J'étais petit comme ça, comme un bout de chemin, il nuisait. Parce que je n'ai jamais eu peur, même quand j'étais dans le monde, je n'ai jamais eu peur de quelqu'un. Je n'ai jamais eu peur, j'ai lutté avec les chiens comme ça, à main nue, le gros chien comme ça, attrapé de gueule comme ça. Parce qu'il n'avait pas peur. Tu fais quelqu'un, il marche dans la nuit à 1h, il sort de Sizongo, il dit ah! Il me tourne les gars comme ça, il dit tu n'as pas peur, mais c'est toi qui as peur, tu te caches pourquoi? Je n'ai jamais eu peur de quelqu'un. Et puis je m'avance là-bas. Alors, ces choses, si vous voyez, quand j'amène les choses, je casse, mes camarades de classe commencent à me fuir. Je remarque que quand je vais avec quelqu'un, je fuis. Vous voyez, quand vous êtes rebelle, vous êtes ennuyé les gens. Quand vous êtes en crise, ça commence à poser problème. Je lui demande qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, toi aussi. Hier tu es rebelle, aujourd'hui tu viens, tu parles de Jésus. Ça nous a fait douter. Et c'était normal, donc les gens me fuient. Parce que ma conversion a été radicale. Je suis allé à la maison un lundi, revenant un mardi, étant converti. Oui, vous voyez le problème, n'est-ce pas? Et donc, les gens voient, je parlais maintenant Jésus. Il m'assoit en classe, et puis le Saint-Esprit me dit, il y a telle personne, un musulman qui est en train de prendre le cerveau des gens ici. Il me lève seulement, il me tire le doigt. Toi qui es ici, qui est en train de prendre le cerveau des gens, les gens bûchent, tu es en train de le faire. Fais attention, la prochaine fois, je vais te frapper. Je vais m'asseoir. Donc, vous voyez que, avant là, je ne donnais pas le cadeau. Je ne donnais pas le cadeau. C'était comme ça. Maintenant, je suis doux avec vous, je dis que femme, lis ceci, lis. Il disait vraiment que tu continues avec tes faces de saucisson, tu vas aller en enfer. C'est comme ça qu'il disait, fais ton corps comme le saucisson, comme le pain sardine, tu vas aller en enfer. C'est comme ça. Mais maintenant, il dit ça diplomatiquement pour que ça ne te heurte pas. Mais jusque là, ça aide. Un jour, j'étais à l'université là-bas, il y a un endroit qu'on appelle Mont des Oliviers. Il était en train de prêcher, il y a une année, je ne sais pas en 2000 combien, 2006, 2007, 2006 certainement. À Canal D, on a montré cette jeune fille qui avait été tuée par sa petite amie, qui était coiffeur. Elle était en année maîtrise là-bas. J'étais là en train de prêcher ces jours-là, celui-là. Elles sont venues, elles étaient versées là-bas au plan comme ça. J'étais en train de prêcher, prêche. Après, la fille a dit, ah, il faut que court le professeur en train de venir. Il faut que courir parler à la copine, la plage. Je me suis tourné vers elle, elle dit, vous pouvez avoir le diplôme, ça nous n'amène pas au ciel. Et même, vous pouvez avoir ce diplôme-là, vous n'entrez jamais au ciel. Mais ici, c'est toute la parole de vie. Ce jour-là, 22h, cette fille a été tuée. 22h. Le lendemain, les autres sont venus là-bas. J'étais encore là en train de prêcher. Il y avait la barbe partout parce que je ne m'occupais pas. Les cheveux étaient comme un fou. Et c'est normal donc que les gens me considéraient comme un fou. Parce qu'ils ne donnaient pas le lait. Il y a des gens, ils les regardaient comme ça. Ils commençaient à pleurer ce matin. Ils disent non. Quand je regarde comme ça, ils disent non, frère, quand je te regarde, c'est comme si je suis en enfer. Parce que je ne donnais pas le cadeau. Alors, des personnes viennent dire, est-ce que tu sais que la femme qui est ici, à qui tu as parlé là, elle est morte. Il dit que c'est toi maintenant la prochaine personne. Si vous ne vous repentez pas, vous allez aller en enfer. Des gens bougeaient debout comme ça là. Une autre fois, quand la presse qui les bacs chauffait, c'est une femme maintenant qui vendait la nourriture. Une femme anglophone. Je suis allé chez elle. Je reste à la maison. Je ne savais jamais ce que cette femme-là était là. Toujours à côté de la maison. Elle vendait le héros. Le Saint-Esprit dit, va. Je vais là-bas avec la sette pour acheter le héros. On vient là-bas, on s'assoit là-bas. Les gens viennent, une vingtaine de personnes. Ils achètent. Je suis là en train de parler de Jésus. Pour aller manger, j'en ai parlé de Jésus. Je parle de Jésus. Subitement, les gens achètent le héros jusqu'à ce que le héros finit. Je suis là. Après, son mari vient, rentre de travers. Maman vit son mari avec le camouflet en bas. Elle a enlevé le haut. Il a porté son enfant. Il vient vers moi. Et puis, j'ai su maintenant que c'était pour lui que j'étais là. Parce que tout le monde était parti. Son mari est resté. J'ai commencé à parler. Puis j'ai dit, il n'y a que Jésus seul qui est le chemin, la vérité et la vie, celui qui protège. Et vous ne pouvez pas aller à Dieu sans passer par lui. J'ai dit, ok, pour illustrer ça, j'ai écrit ici D. Quand j'écris D, je n'oublierai jamais ces choses-ci. Et j'ai écrit ici J. Et j'ai écrit ici homme. Il dit que l'homme est de ce côté-ci. L'homme ne peut pas continuer à aller à Dieu sans passer par Jésus. L'homme a fait la chose qu'il ne faut jamais faire. Il est venu avec son orange. Il a fait comme ça, il a effacé Jésus. Il a fait comme ça. Quand il a fait ça, il dit que je peux aller sur Dieu sans le faire. Quand il a fait ça, j'ai entré dans mon esprit. Bang! Je me suis tourné, je suis parti directement. Le lundi, on était dimanche. Le lundi, il est mort à Bakassé. Le lundi. C'est sa femme, en fait, c'est sa femme qui est venue à la maison. Parce que sa femme était là pendant que je t'en ai parlé. Sa femme qui est venue à la maison, elle est tombée à mes pieds, comme ça, pleurer. C'est comment? Il dit c'est fini pour lui. Il a eu l'opportunité d'entrer, il n'est pas entré. Vous comprenez cela? Donc, dans la cargaison, et à ce moment-là, il n'y a plus de conflit. Le Bakassé était dans le calme à ce moment-là. Il était marin, il est allé dans le bateau. C'est tout le monde qui était là-bas, c'est lui seul qui est mort. Sa femme commence à venir pleurer. Que c'est pourquoi? Sa femme est restaurée aujourd'hui. La femme a vu cela, elle a accepté le Seigneur. Donc, ouais, c'est comme ça que j'ai été converti. C'est comme ça. Donc, ne m'attends pas à ce que vous soyez comme. La conversion d'apôtre Paul a été drastique. Il quitte pour aller à Damas. Il est pharisien, il rentre chrétien. Vous voyez cela? Pour les autres, c'est le processus. L'apôtre Pierre, jusqu'à ce qu'au sortir de sa vie, Jésus dit que quand tu seras converti, a fermé ses frères. Donc, il est encore en voie. Donc, faisons attention avec l'évangile. La révélation de la parole quelle que soit la révélation que vous devez, ça doit être confirmé par la parole. Si vous avez n'importe quelle révélation, même si ça vous plaît n'importe comment, si ce n'est pas les Saintes Écritures, rejetez cela, parce que c'est à votre intérêt. Sinon, Satan va commencer à vous utiliser derrière ces révélations. Mes chers, que Dieu vraiment vous bénisse. Que Dieu vraiment vous bénisse. Alors, ces choses que nous vivons, quand vous vivez ces choses, vous dites, lui, il est qui sort du aussi. Si je prends le temps pour vous parler, vous me voyez seulement debout parce que j'en ai parlé maintenant. Quand j'étais converti, c'était des batailles. Des batailles. Mais elle a dit, tiens, ferme. Elle est bataille avec le pasteur et les autres, ceux de la radio, où on voit la radio. Le pasteur vient, on parle. Maintenant, quand on a vu le pasteur, il regarde, quand il vient à la radio, il voit que c'est moi, c'est chacun descend, c'est pas seulement. Il dit qu'il veut partir. Vous parlez avec un pasteur, il a sa Bible. Vous dites, pasteur, lis la Bible. Il dit, il refuse de lire. Il dit, pasteur, lis dans ta Bible. Il lit dans ta Bible. Il fuit, il ne veut pas lire. Parce que le pasteur commence à fuir la Bible. Parce qu'il voit que l'œuvre est en train d'être dénoncée. Donc, si c'était pour faire cette œuvre aussi, j'avais tout pensé. L'homme aurait tout pensé. Que je serais dans cette direction, dans toutes les directions, sauf celle-ci où je suis là maintenant. Je suis allé à l'université un jour, voir un de mes anciens professeurs. Il me dit, oui, qu'est-ce que tu es devenu? Je suis prédicateur. Il a déposé ce but sur la table. Il dit, pardon? Je suis prédicateur. Mais il regarde le cahier comme ça, il regarde partout. Il me dit, toute la physique que tu connais, là, comment tu étais brillant là? Tu entres dans la Bible, avec, wow, on t'a sucé le cerveau. Tu vois? Ouais. Il lui a dit que le professeur, on ne m'a pas sucé le cerveau. Il travaille toujours, je suis physicien. Il dit, tu travailles dans quel laboratoire? Je lui dis dans le laboratoire du plus grand physicien. Celui qui a créé un style de grand boule qui est suspendu sur rien. Qui fait la révolution en faisant en même temps la rotation là, sans que ça ne tombe et ne crée pas le désordre. C'est un très grand physicien, c'est lui que je sais. Vous voyez? Il a dit que donc voilà, tu vas être fou. Alors, en sortant, il a dit que pardon, prie pour moi. Donc celui qui va être fou est encore censé prier pour lui. Je peux comprendre le monde parce qu'il ne peut pas comprendre. Ces choses sont les folies pour eux. Vous comprenez, frère? Donc, quand on dit ces choses aussi, ce n'est pas pour vous frustrer ou bien pour vous frustrer, parce qu'en réalité, nous savons d'où nous sortons. Ça m'a coûté les amis, comme je vous dis, cet évangile, ça a coûté les amis. Parce que j'ai prêché en 2009, quand j'ai commencé à prêcher en priant contre ces choses que les églises font. J'étais à genoux là, mon ami avec qui je dormais, qui était allé au travail, revenait me trouver à genoux. J'étais laissé dépasser. Je prêchais au point où moi, il croyait que j'avais des problèmes. Parce que ce que j'étais censé prêcher, ça semblait être contraire à tout. Mais je n'empêchais personne d'aller nulle part. Ceux qui sortaient le dimanche, allaient quelque part, venaient me rencontrer, faisaient tchup, c'est quoi? Et ce qu'ils nous disent, c'est ce qu'on pratique là-bas. J'ai dit que moi, j'étais dit que c'est faux parce que c'est ce que Dieu dit ici, c'est une autre chose. Puis il dit que mais le problème, c'est que c'est toi ce qui dis cela. Et puis le Saint-Esprit a pris cette lèvre, il a dit, je ne suis pas seul. Il y en a plusieurs qui sont enfouis dans le monde. Le moment viendra, il va les révéler. Amen. Vous voyez? En 2009, il m'a fait partir hors de ce pays. Il a dit que sors de ce pays, va au Nigeria. Va au Nigeria. Tu iras au Nigeria. Sans de lire un livre, mais dit tu iras au Nigeria. J'irai au Nigeria. Foutre quoi au Nigeria. Je n'ai pas de passeport. Pour aller dans un pays, il faut au moins un point de chute. Je suis l'un des plus pauvres, plus que la souris de Metz, même à souvent les petits qui peut voler. Je n'en ai rien. Et puis il dit tu vas aller au Nigeria. Je vais raconter à une femme là-bas qui va aller au Nigeria. Elle dit ah, tu vas aller au Nigeria, oui, je vais te payer le transport. Je dis wonderful. Tu vas me payer le transport, oui, pour le Nigeria, oui. Il va dans une autre, il dit qu'on va te faire le passeport. Donc je vois effectivement que les lampions sont là pour aller au Nigeria. Et je me dis, qu'est-ce que. Je vais aller au Nigeria faire quoi? Je vois mon téléphone sonne. C'est qui ça? Je vois un plus 234. Et c'est un ami qui depuis 15 ans se séparait. Il dit depuis là, quelque chose me dérange dans mon cœur que je t'appelle ici. Lui, dans son cœur, il m'appelait parce qu'il savait que j'étais brillant. Étant licencié en physique, si je vais au Nigeria, je vais bien réussir ma vie. Parce qu'on cherche ce genre de personnes là-bas. Mais Dieu lui dit, tu vas aller au Nigeria. En tout cas, il met les gens en marche qui vont me faire aller au Nigeria. Mais l'ordre, c'est tu vas aller au Nigeria. Maintenant, tout est en ordre. Je vais au Nigeria. Celui-là, dans son essence, il me dit, parce qu'il travaille avec les ambassadeurs. Donne-moi le visa, ton passeport, je mets le visa, tu pars en Grèce, tu passes par la Grèce, tu pars en Europe. Il le regarde comme ça. Ça ne donne aucune désir là-dedans pour partir. Il dit, non, laisse-moi tranquille ici. Au Nigeria, j'ai jeûné comme je n'ai jamais jeûné. En fait, quand je suis rentré du Nigeria, ma femme m'a vu, elle a commencé à pleurer. Parce que j'étais tellement maigre, les cheveux avaient couvert partout. J'ai fait 3 mois au Nigeria. Je suis resté là-bas, jour après jour, à genoux. Seigneur, pourquoi tu m'as fait venir dans ce pays? Rien. Pourquoi tu m'as fait venir dans ce pays? Les frères, mes amis là vont partir, ils partent jouer la vie, ils rentrent. Mais tu vas lire la Bible. Dimanche, alors tu entends. Dimanche partout. Bon, les gars, tu vois le bafle. Le premier dimanche, il fallait fuir au Nigeria. Bah, tu entends le bafle. Le bafle ici, c'est la compétition des grosses bafles. Le bafle ici, à l'enface de la maison, notre gros bafle. Alléluia, pas ici, alléluia, pas là-bas. Le désordre, pas ça comme ça. Là. J'ai dit que je suis allé où? Dieu, tu m'as amené ici pour faire quoi? Et puis après un mois, je reste en question de lire la Bible. Le Saint-Esprit dit, sais-tu pourquoi je t'ai fait venir ici? Et non, Seigneur. Afin que tu vois les abominations qui se fassent en mon nom. Je t'ai fait venir ici pour que tu vois les abominations qui se font en mort. À mon nom, afin que ce qui va commencer dans ton pays, que vous ne fassiez pas la même bêtise. Parce que tu fais partie des jeunes gens qui veulent élever dans cette nation pour changer le cœur. D'accord? Voilà pourquoi. Quand c'est fini, il a dit que retourne au pays. Je suis retourné. Et ça a commencé. Donc je travaille avec cette commission, avec ces choses-ci. Je dois faire attention pour ne pas faire ce que les gens font. Or maintenant, il dit, observe. J'observe. Mais les gens sont là-bas, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Mais quand ils sortent, tu vois la cigarette. Il y a un autre Emeka. Chaque dimanche matin, avant qu'il vienne, il s'assoit. Ils sont dans les, vous appelez les boutiques partout. Ils ont le lieu de l'assemblée. Chaque lundi matin, ils prient. On vient me réveiller, que lève-toi. J'entends de prier en bas. Je vois tout le monde. Il dit waouh. Quel pays? C'est un pays de prière. Il dit waouh, ok. Il s'assoit là-bas. Il prie. Oh, on fait pic. Tous les boutiquiers sortent. Il vient s'asseoir là-bas. Il prie. Il dit waouh, c'est bien. Premier jour, ils savent pas qu'est-ce qu'il me réserve. Dieu dit que tu es là pour voir. Et puis je me tourne, je vais encore, comme on était à l'état, je vois Emeka en deux poussées, quelqu'un avec le bâton. Yeah! Boom! Emeka qui était le coordonnateur de prière, coordonnateur de prière. Il dit yes, je suis venu au Nigeria, bienvenue au Nigeria. L'ami avec qui j'ai son début, un pasteur, il sort le matin avec sa mallette comme ça, avec la Bible dedans. Il sort au champ de lire la Bible. Ça va, frère? Il dit oui, ça va. Quand je suis venu, il m'a monté 13 diplômes avec les mentions très bien qu'il a eu à, vous appelez ça, Winner Chapel. 13 diplômes avec des mentions très bien. Mais verset biblique ne connaît aucun. Frère, tu as fait comment pour avoir ce diplôme? Il a dit quoi? J'ai négocié, bon, on m'a donné. Tu es serviteur de Dieu, oui. Sors le matin, un jour, bien enfilé. Après, j'entends quoi? C'est quoi, frère? Le sang partout, c'est un chien comme ça, il est bien boxé. C'est quoi, frère? Il me devait l'argent, depuis là, je suis foiré. Il lui demande l'argent, imbécile comme ça, là. Pasteur. Je le vois à l'ordinateur, tu as de lui faire quoi? Je ne sais pas comment il va faire ce diplôme. C'est quoi? C'est le diplôme de ma petite solution de vouloir scanner pour voir si je peux mettre mon nom là-dedans. Alors... Pasteur. C'est quoi toi le pasteur? Qu'est-ce que tu fais ce pays? Je suis camerounais. Le passeport, c'est un passeport guinéen, gars, frère. Il veut aller en France. Mais tu es pasteur, oui. Tu es camerounais, oui. Tu as un passeport guinéen, oui. L'autre, je t'ai vu là, le passeport tchadien. Oui, pasteur. L'iniquité. La Bible déclare que c'est quelqu'un prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. D'autres sont allés au commissariat pour les réfugiés. Ils annoncent qu'ils étaient parmi les 9 disparus de Bepanda. Ils montent des coups avec des gens ici de la presse. On fait une annonce dans la presse, ils coupent une partie, ils viennent mettre tout là-bas, on les met là comme réfugiés. Pour qu'ils vivent comme ça. Et ils se disent chrétiens. Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, n'entrez pas dans le royaume. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Amen. Prenez tout simplement votre Saint-Écrit. N'essayez pas de regarder les imitations sur les gens. N'essayez pas de voir le nombre, ni la construction. Quand les gens commencent à porter le regard sur la construction, wow, Seigneur, vois-tu le temple, la façon qu'on a classé ça, quelle architecture. Il dit, vois-tu cette construction, il ne restera pierre sur pierre qui ne sera détruite. Donc la pierre qui est faite par le même homme sera détruite. Amen. Vous comprenez cela? Construisez tout simplement votre relation avec la parole. Si vous construisez votre relation avec la parole, sachez donc ceci. Jésus a dit, si quelqu'un même qui garde mes commandements, et la Bible déclare que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Il dit que celui qui m'aime, c'est celui-là qui garde mes commandements. Celui qui n'est même pas, ne garde pas mes commandements. Donc tu vois, il dit, Jésus, je t'aime. C'est pas ça qu'il a dit. Jésus, je t'aime. La preuve, c'est que va à l'œuvre. Il garde mes commandements. Vous me suivez? Il dit, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je viendrai chez lui. Il n'a pas dit, je viendrai dans son église. Je viendrai chez lui. C'est une histoire de relation de cœur à cœur. Vous suivez, n'est-ce pas? C'est une histoire de cœur, une relation. Vous êtes dans un milieu où vous chantez tous ensemble. Je vais chanter pour Jésus. La personne qui coordonne la chorale, c'est lui qui sort avec ton frère. C'est quel genre de louange? C'est quel genre de louange là? 1 Timothée chapitre 2, verset 8. Je veux que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains à Dieu, les mains pures à Dieu, sans colère ni mauvaise pensée. Sans colère ni mauvaise pensée. En priant, la colère et la mauvaise pensée ne doivent pas être là. Les mains doivent être pures. Nos mains sont suées de sang. C'est pour ça que Dieu s'éloigne de nous. Alors, il faut qu'on. Il n'y a pas de relation avec le Seigneur sans réforme de voix. Il n'y a pas de relation avec le Seigneur sans réforme de notre propre voix. Dans Josué chapitre 2, verset 12 et 13, il demande qu'on dit, on vient seulement avec la parole, on demande pardon à Dieu, qu'il revienne, que nous revenons vers lui et qu'on se détourne de ses mauvaises œuvres, de nos mauvaises œuvres. D'accord, mes frères? Donc, il faut seulement qu'on se réforme, on revient. Mais le plus grand, tout ce que j'en dis ici, ils sont de dire que vous tenez ferme dans la parole. Si vous ne tenez pas ferme dans la parole, j'aurais fait comme les autres. Parce que beaucoup de personnes sont venues vers moi pour me proposer. Un pasteur m'avait invité en 2000, je ne sais pas en 2000 combien. C'est un pasteur de full gospel. Il m'a invité dans sa maison. Comme pas prier. J'ai prié pendant 5 jours dans le jeûne. Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais amène-moi là-bas. Va là-bas, glorifie-toi. Il avait mis le baffle là-bas partout. Il a invité tout le quartier. C'était là. Un de ses petits frères qui était à l'école de théologie à Bamenda était aussi parmi. Je ne savais pas comment il vient là-bas en veste. Il croise les pieds comme ça là. Je viens toujours là avec ma petite culotte. Mais c'est les pieds comme ça comme pour le pigeon. Je viens le prendre. C'est Larry. Je prends le micro comme ça. Je suis debout là. Je ne sais pas quoi dire. Je ferme seulement les yeux, il dit souffle. Je souffle sur le micro. Sur le micro. Moi, je ne sais pas ce qui se passait. La femme du pasteur est sortie dans au milieu là-bas. J'ai ouvert les yeux, j'ai observé. Boum, au sol. Les choses sont sorties, elle a fait. Elle était libre. le souffle dans le micro. Et puis c'est l'invité étonné, il dit, ah, moi monsieur étonné, je regarde les gens étonnés, me regardent. Et puis le pasteur le regarde, ouais, il dit, homme de Dieu, que Dieu te bénisse vraiment. Avec cette maladie, si nous sommes allés de pasteur en pasteur, il n'a pas eu de guérison. Un pasteur, je n'ai pas prié pour elle au nom de Jésus, parce qu'en tout cas de quoi, il ne savait pas que quelqu'un était là, il avait un problème. Vous savez ce que son frère fait, hein? Son frère qui était à l'école de théologie a mesuré ma vie avec la théologie. Il a dit, c'est vrai qu'il y a l'onction, mais il te faut la théologie. Il a dit, c'est vrai qu'il y a l'onction, mais il te faut la théologie. Alors ils se sont décidés donc de venir me copter. Ils ont dit, nous venons seulement ton OK. On t'envoie à l'école de Bamenda et par la suite on t'envoie aux États-Unis. Donne-nous ton OK. Vous voyez cela? Ils voient qu'il y a l'onction. Mais il faut qu'on me réforme, il faut qu'on me moule au modèle des pasteurs bibliques, des full gospel. Comme ça, quand il veut sortir, maintenant il y a l'onction, les gens vont venir au full gospel. Il faut que ça soit l'onction des poules. Tu parles, vous ne pouvez pas m'arrêter comme ça. Vous ne pouvez pas, je suis libre comme le vent. Vous m'invitez n'importe où, je parle, je prêche. Quand moi, on m'a invité quelque part, ma femme me dit, tu peux prêcher là-bas? Il dit, oui, pas prêcher. Parce qu'il sait qu'il y a les enfants du Seigneur là-bas. Il a dit, mon peuple sortir du milieu de Babylone. Je suis venu m'inviter pour 6 jours de conférence là-bas. Il dit que si je prêche ce qui est Dieu là au premier jour, ils vont partir. Ils vont me chasser, ils vont me donner. J'ai prêché doucement. Il dit amen. Il dit toujours amen. Il dit dites amen jusqu'à la fin. Deuxième jour, il dit dites amen jusqu'à la fin. Il continue. Troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, quand il parlait, chacun commence à regarder son voisin comme ça là. Que c'est la même Bible qu'on lit. La même Bible. Il dit eh bien oui, c'est la même Bible. On ne dit plus amen. Vous savez quoi? Dans cette assemblée là, les gens qui étaient en veste, quand on a commencé à prier, il dit ok maintenant, on a lu la Bible. C'est l'heure de la démonstration de la puissance, parce que cet évangile est annoncé avec puissance. Quand on a commencé à prier, la personne qui s'est levée chaque fois vous dit amen. C'était un marabout qui habitait son corps. Elle commençait à je suis sorti. Bam. La femme du pasteur commençait à fuir, c'est elle qui se poursuivait. Il partait dans le couloir. Quand il partait comme ça, son esprit savait que c'était. Il partait comme ça, comme s'il partait. La femme du pasteur fuit par là-bas. Il ne veut pas comme ça, là. Elle fuit comme ça. Mais il la regarde, parce qu'il la regarde, elle va savoir qu'il vient vers elle. Mais au préalable, c'est elle qui a ouvert, vous avez la bouche à prophétiser. Cette conférence, je vous ai appelé à cette conférence, pas pour vous donner le lait. Ça ne doit plus être jamais comme une conférence. La première personne à fuir, c'était elle. Alors ces personnes-là sont venues vers moi. Frère Junior, nous avons réfléchi, nous avons vu la hiérarchie. Donne seulement ton OK. On t'envoie à l'école de théologie. Si tu veux aller aux États-Unis, on t'envoie aux États-Unis. Qui ne veut pas aller aux États-Unis? Il dit OK, laissez-moi, je vais aller prier pour demander au Seigneur. Je n'ai jamais eu une insulte comme celle-ci que j'ai eu dans la prière. Je suis allé dans la prière le soir. Je me suis mis à genoux. Là, je me suis mis comme ça. J'ai dit Seigneur, il a dit la fin. La prière était finie là-bas. J'ai dit Seigneur, il a dit la fin. J'ai fermé. Ils ont attendu longtemps pour que je donne la réponse. Parce qu'on m'a dit, on a dit là, la ferme. C'était terminé. Parce que vous voyez, l'onction de Dieu ne doit pas être cachée quelque part. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le bol. Ça, dans ce cas, je devais être un pasteur ou bien un prophète de full gospel. Comme ça, on va ouvrir un truc là-bas, on va mettre comme ça. Grande croisade, on organise des croisades pour que derrière mon onction, on soit en train de bouffer l'argent des gens. Vous voulez voir le pasteur tel? Oui, il est là-bas. Voici les secrétaires qu'il faut voir. Mais derrière toi, on a de prendre l'argent. On ne peut pas m'avoir avec cela. Nous sommes dans une maison ici, non, dans la boue, assis n'importe comment. Papa. C'est mieux bien assis ici par rapport à Jésus-Christ dans les montagnes, dans les airs. Ne regardez pas ceci, ne regardez pas. C'est pour ça que je dis, vous focalisez sur les hommes, sur les choses, sur ces grandes choses des gens, vous allez taper à côté. Vous avez déjà vu un endroit que Jean-Baptiste avait construit un lieu de rassemblement? Non. Vous avez vu dans la Bible, les apôtres construisent un lieu de rassemblement? Non. C'est ainsi. Donc faisons attention. Alors, qu'est-ce qu'il faut se passe? Il faut que chacun de nous construise une relation avec le Seigneur. Et votre relation ne sera jamais stable si vous n'êtes pas basé sur la parole. Vous devez baser votre relation sur la parole. Et dans Jacques chapitre 2, Jacques chapitre 1, verset 22 à 27, il dit que si quelqu'un regarde son visage dans le miroir et va oublier, il est exactement comme un homme qui écoute la parole, va ne la mettre pas en pratique. D'accord? Ne vous bornez pas à l'écouter seulement en vous trompant par le faux raisonnement. On doit mettre les paroles en pratique. Il dit, mais celui qui se mettra en pratique, celui-là, plongeant les regards, celui-là, n'étant pas des auditeurs oubliés, celui-là sera heureux dans ses entreprises. Donc, si vous voulez aller, on va profiter sur votre entreprise, il n'y a pas de profiter sur ça. Tu fais ceci. Voyez, que ce livre de la loi n'est seulement pour de ta bouche. Médite jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu réussiras. La vraie réussite qui vient du Seigneur vient de l'obéissance à sa parole. Amen. Et quand sa grâce est là, il protège sa grâce dans ta vie. De telle enseigne que quand quelque chose va venir contre cela, c'est lui qui va menacer ces choses-là qui viennent parce que la grâce est venue de lui par suite de l'obéissance. D'accord, mes frères? Oui, frère, tu voulais parler? Oui. Il y a le baptême. Ok, donc je vais vous laisser. Donc, frère, tu voulais parler là? Tout à l'heure. J'avais aussi un petit problème. Oui. Je vais m'excuser, papa. On t'excuse pourquoi, maman? Nous sommes ici non pour partager, non? Pas partager, c'est pas. Ce qui est là que. je lui ai demandé, je ne sais pas où il y a une façon de demander cela. Mmh. Parce que quand je suis, quand j'aime, donc quand mon cœur me fait mal, oui. Donc quand je suis tensionné, je peux en dire que c'est ça, quand oui. je suis tensionné, même si tu es le pape, oui. même si tu es qui, oui. quand je te verser ça, je ne tire pas mon corps, j'ai tu vides ton sac chez lui. Donc, si c'est pas que quoi que je l'attrape, même seulement. Mmh. Donc j'ai déjà demandé à Dieu de me. Il y a des moments que je dis que je ne peux même pas, mais quand la personne veut aller un peu plus loin, je me lève seulement. Mmh. Donc je ne sais pas où c'est, comment, où c'est comment, je ne sais pas, papa. C'est là, c'est ça mon problème. Donc tu as un cœur qui dérange, n'est-ce pas? Où c'est ça dérange, ou je ne sais pas. Mais est-ce que ça fait comme ça, toi-même tu es tranquille là? Non, quand je... Tu sens ça, c'est comme si tu le caillou à l'intérieur. Quand ça me dérange, quand peut-être même comme ce matin, mmh. Avant de venir ici, mon cœur, j'ai failli même bagarrer. Mmh. Parce que le locataire... La lumière arrive, je dis que la chambre de la lumière c'est comme ça. Il commence à. Je dis que mettez vos compteurs divisionnaires pour que qu'il n'y ait pas de problème. Il faut qu'il te donne l'attention. Voilà. Chacun sait ce qu'il cache pour ne pas mettre le compteur divisionnaire. Mmh. Je suis allé à la Sonnelle. Mmh. J'allais au marché. On m'a donné parce que la quittance de ce que ce n'est pas sorti. Mmh. J'arrive alors à la Sonnelle. On me dit que non, prendre les factures, les anciennes factures. Mmh. Parce que les gens là sont imprévisibles, peuvent venir porter le compteur. Mmh. Je suis donc parti avec l'ancienne facture. J'arrive, j'avais 25 000 francs, il me dit que bon, la facture pouvait être même de 24 000, 25 000. On me sort une facture de 30 quelque chose de mille. Ta tête a chauffé. Je rentre rapidement. Je suis entré dans les maisons de gens là que dans la nuit, 22 heures. Mm-hmm. J'ai dit que ouvrez-moi vos portes, je vois ce qui est dedans. Mm-hmm. Parce que vous cachez les choses et la facture ne fait que monter. Mm-hmm. J'ai fait ce matin, j'ai dit à l'autre, parce que le matin, quand j'ai dit comme ça, quand j'ai ouvert les portes, ils m'ont montré. L'autre dit, c'est moi, j'ai dit que non. Toi, tu as quoi? Je vérifie. Le ventilateur. Fait à repasser frigo, je marquais seulement le prix que tu as donné. Mmh. Donc maintenant, le matin, j'arrive. Le bon monsieur, moi, si je veux la paix, mmh. je veux la transparence. Mmh. Je ne devais pas dire que mettez le compte, je disais, si vous voulez peut-être prendre leur argent. Mmh. Je devais dire que non. Comme je veux la paix, la transparence, mettez, ça fait 3 mois. Mm-hmm. Mettez le compteur divisionnaire pour que chacun vienne voir combien il a consommé. Mm-hmm. Une personne va consommer et l'autre personne va payer. Mm-hmm. C'est comme ça que le problème avec le monsieur là. Mm-hmm. Le monsieur là me dit que non, quand ça sort petit, pourquoi je ne dis pas, quand ça sort beaucoup, je dis. Mais normalement tu fais comme ça souvent. Hein? Je fais comment? Comme il a dit là. Il a dit que comme il me connaît. Parce que quand ça sort petit, quand le temps vient petit, tu ne dis pas. Quand ça sort grand, tu dis. Non, le problème est que je leur donnais un prix forfaitaire. Mm-hmm. Mais quand je constate déjà que ça me. Mais quand tu donnes le prix forfaitaire, mm-hmm. parce que quand tu donnes le prix forfaitaire, il faut faire attention. Mm-hmm. Quand tu dis qu'un taux forfaitaire, il paye. Mm-hmm. Est-ce que vous avez fixé des règles de cette taux forfaitaire? Parce que si vous dites que je paye une maison 20 000, y compris une lumière 5 000 francs. Oui. Alors, sans doute vous avez fixé les règles. Vous n'avez pas dit qu'à condition que voici votre taux de consommation, vous avez fixé ça. Non, quand tu entres, je dis qu'il faut mettre ton compte divisionnaire. Mm-hmm. Mais entre-temps, tu dis je n'ai rien. Ok. Je n'ai rien, je te dois un prix forfaitaire, je n'ai rien. Mm-hmm. Après, je constate que les ventilateurs entre les clauses. Dans ce cas, ce qu'il faut faire, ce n'est pas le problème. Il faut encore redéfinir les contrats, les clauses. Je veux qu'ils montrent leur compteur divisionnaire. Mm-hmm. Pour que la quittance arrive, chacun voit ce qu'il a consommé. Mais dès le départ, vous maintenant, avez un contrat. Il me cherche les problèmes. Pourquoi maintenant? Maman, regarde, n'est-ce pas, sur le plan du droit, ils ont raison sur toi. Parce que vous avez un contrat. Le contrat veut qu'ils ont un taux forfaitaire. Oui. Donc même si c'est 100 000 francs, ils vont te donner ce taux-là. Et je paye le reste. Oui, c'est ça. J'ai dit non. Non, mais c'est là où il y a problème. J'ai non, dit non. C'est, si vous allez même non, en justice... Non, c'est qu'ils ont leur compte. Ils ont encore leur compte à part. Hein. Oui. Je ne vais pas mélanger avec non. Moi. Si, bon, si ils ont non, leur maintenant, si le compte là donne ce qu'ils donnent, maintenant le reste, je paye. Non, non, c'est exactement ça. Parce que tu as fixé le taux forfaitaire non. pour eux. Non. Si vous allez au commissariat... Donc, c'est ça qui me dérange un peu. Non, ça va dire que pour régler les choses selon la justice, il faut que vous asseyez. Oui, tu nommes un concierge qui doit gérer cette situation-là oui. parmi eux. Pour oui. que ce soit lui qui contrôle cela. Mais au départ, que vous fixiez dans les règles. Que les règles soient claires pour que tu n'aies pas de problème. Parce que tu as la tension, tu vas plutôt la tension pour rien. La tension. Voilà. Mais là, pour ne pas avoir la tension, il faut être attentif. D'accord? Il faut être donc, attentif. C'est ça qui me gêne parce que quand je crois peut-être bien faire, peut-être je ne vais pas comme vous. C'est ce que je viens de dire, d'accord, sur le plan du droit. Vous avez un problème ici parce que vous avez fixé les règles que c'est un taux forfaitaire. Si moi-même également, si on me dit que tu payes 30 000 francs de la maison, y compris la lumière, mais j'épargne mon gaz. Tu payes J'épargne mon gaz. Donc tu payes le machin. Oui, puisque déjà il prend le gaz, je vais faire le commis avec le gaz parce qu'il paye un taux forfaitaire. D'accord, maman. Il faut régler ce problème. J'ai compris, papa. J'ai compris. Ça prend de compte. Oui. Ça gérer ça. Oui, vous allez gérer ça avec elle, d'accord, pour la conseiller. On peut gérer ça. Bon. Après. Ok. Dans le sens que vous avez commencé. Je crois que le Seigneur qui a permis qu'on soit réunis ici, je voudrais qu'on sorte ici avec le Seigneur qui a permis qu'on soit réunis ici, j'ai entendu les interventions. Je crois qu'il est question pour chacun de prendre une résolution. Exact. Où nous voulons suivre la vérité que Dieu nous a révélée aujourd'hui, où nous allons demeurer dans nos choses. Oui. L'Écriture dit détournez-vous, repentez-vous, oui, et que chacun soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, oui, et le don du Saint-Esprit. Tout sera à côté, oui. À côté de ça, j'avais une petite remarque. Oui. Tout à l'heure, j'ai béni le Seigneur pour l'intervention. Quand la maman a fini, vous avez cité cette parole de Dieu qui dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Je crois que cela répondait au fait que, en réalité, ça c'est ma condition. La femme en dehors, enfin, dans l'assemblée, oui, parce que c'est une question qui a été débattue. Certains soutiennent que la femme doit hermétiquement fermer sa bouche dans les assemblées. Bon, pour ma part, en regardant les Écritures, je crois que nous avons compris qu'il s'agit de l'enseignement, de l'autorité. Et même à un certain moment, si ce n'est une séance de questions-réponses telle que vous l'avez ouverte, dans les assemblées ordinaires, elle n'a pas besoin d'intervenir. Ça, je le crois. Mais maintenant, dans la grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ, Dieu dit qu'il va déverser de son esprit et que les jeunes gens, nos jeunes filles, fils et vos vieillards auront des visions et des songes. Voilà. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 11, oui, le verset 4, oui, nous montre que l'apôtre Paul explique en prophétisant, voilà, tout homme qui prie ou qui prophétise la tête, donc il reconnaît que l'homme peut prier, doit prier, oui, et doit aussi, peut aussi prophétiser selon la grâce de Dieu, la tête couverte, donc celui qui fait ça, la tête couverte, déshonore son chef qui est Christ. Donc ça dit que l'homme ne va prier avec le chapeau, par exemple, oui. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, c'est-à-dire il reconnaît également cette possibilité-là. De prier et de prophétiser. Exactement. Parce qu'en fait, c'est la grâce de Dieu. Mais il y a l'ordre dans cela. Tout à fait. Voilà. Que Dieu donc vous bénisse, d'accord? Que Dieu vous bénisse. Alors, je sors donc par mes questions avant de vous laisser parce qu'il y a les baptêmes. D'accord? Dès qu'il écrit ici maintenant, j'ai une autre interrogation qui me passe quelque part pendant 2 heures. J'en vais quelque part. Alors, je pose la question. Nous sommes ici dimanche. Supposons que pendant que je suis en train de quitter, le Seigneur vient. Qui partira avec lui? Êtes-vous sûr à 100% que si à l'enlèvement vous partirez? Si c'est oui, êtes-vous sûr selon les Écritures? Si c'est non, quel est le problème? Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, mon frère. Que Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ce qu'on va faire un de ces jours, parce que je suis en train de regarder parmi nous les esprits qui me regardent à l'intérieur alors que je suis en train de les regarder. Les prochaines fois qu'on va venir, ça ne sera pas seulement la parole. Après la parole, on va passer à un autre niveau. Parce que je suis en train de regarder les esprits, si je viens vers eux, ils me regardent comme ça là. Mais gardez-les à ce niveau-ci. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, mon frère. Dieu te bénisse. Ne vous inquiétez pas, un de ces jours, on prie, vous commencez à dire laisse-moi, je ne sors pas. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. N'aie pas peur de moi, je suis votre frère. D'accord? Que Dieu te bénisse, ma chère sœur. Toi, tu en sais quelque chose, n'est-ce pas? J'en sais quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Alors, que Dieu vous bénisse pour ceux qui vont se baptiser, que Dieu vous bénisse pour l'obéissance. Pour ceux qui vont prendre en considération cette exhortation et ces paroles, que Dieu vous bénisse dans cette chose. Souvenez-vous, dans le livre de Luc, au chapitre 7, verset 30, Dieu dit dans la Bible que les pharisiens et les docteurs de la loi, pour ne se faisant pas baptiser, du baptême des gens, ont rendu nul à leur effet le dessein de Dieu dans leur vie. Vous pouvez dire que non, j'ai fait telle chose pour Dieu, Alors qu'il a dit, dis A. Donc il t'attend au niveau de A. A. Tu dis non, je sais dire anticonstitutionnellement. Il dit non, laisse anticonstitutionnellement. Dis A. Il t'attend à la fondement, au fondement. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse. Comme je vais comme ça, il m'en va. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Spaghetti. Je vous parle encore. Encore et encore. Yeah. Autopsie dans l'église. Yeah. Yeah. Autopsie dans l'église. Yeah. Autopsie dans l'église. Yeah. Yeah. Autopsie dans l'église. Listen to me. Les gens veulent voir la main de Dieu agir comme dans l'histoire, mais de par le caractère sont faux et contradictoires. Font semblant d'être zélés quand ils sont dans l'église. Il faut les voir dehors, ce sont des panthères aux grandes grilles. Conscient que la sécurité est une denrée rare, s'abritent aux nuits des prières, parfois les achèvent dans les bars. Et dans tout ça, ils veulent les mariages, des voyages, pensant que mon Dieu est un malvoyant. En pleine église, quelqu'un ramasse un billet, mais tu vas le voir monter pour témoigner que Dieu l'a visité. À la chorale, voilà une soeur qui chante super bien. Tu veux savoir, c'est un homme marié qui l'entretient. Mais si la foi est un championnat, mon rap est un classico. Tu veux faire la danse, Batia, Satan te sort la sico. On ne triche pas avec lui, si tu entends mon cri, c'est pour guérir l'église, pour qu'elle sorte de sa psychose. Autopsie dans l'église, car il est temps qu'elle se réveille. Autopsie dans l'église, à l'aube des noces, il est temps qu'elle se relève. Autopsie dans l'église, car il est temps qu'elle se réveille. Autopsie dans l'église, à l'aube des noces, il est temps qu'elle se relève. Les hommes de Dieu, je les respecte, mais beaucoup d'entre eux, corrompus, deviennent des mercenaires. Et tout le corps de Christ, ils infectent, se blessent dans leurs mauvaises voies dans lesquelles ils persévèrent. Mon frère, tu veux une prière, même si elle porte peu. Sache que la durée dépend de la taille de ton portefeuille. Ils traînent de grosses bibles, mais leur message est honteux. Ne parle que de bénédiction pour s'attirer des foules nombreuses. Avec le gros titre, vous jouez les célébrités. C'est pourquoi entre eux, c'est sabotage et rivalité. Ils s'entretuent à cause des fidèles. Comme ils veulent grossir le ventre, ils s'en foutent de l'essentiel. Mais si la foi est un championnat, mon rap est un classico. Tu veux faire la danse, Batia, Satan te sort la psycho. On ne triche pas avec lui, si tu entends mon cri. C'est pour guérir l'église, pour qu'elle sorte de sa psychose. Autopsie dans l'église, car il est temps qu'elle se réveille. Autopsie dans l'église, à l'aube des noces, il est temps qu'elle se relève. Autopsie dans l'église, car il est temps qu'elle se réveille. Autopsie dans l'église, à l'aube des noces, il est temps qu'elle se relève. L'église est devenue un véritable foutou. Je vous assure, les gens ont pris Dieu pour leur bout tout court. La nuit, bandits et sorciers commettent des forfaits. C'est à l'église qu'ils viennent célébrer les efforts faits. Vraiment l'église, on vole même les maris. Si tu veux néglige ta part, on va pas seulement te dire. Et là, Sarah peut témoigner, donc laissez que je m'exprime. Même si après, je dois me retrouver au banc de discipline. Jésus revient chercher l'église. Mais est-ce que tu es prêt, toi qui entends cette prise? Le Seigneur peut-il encore compter sur toi? Alors si c'est le cas, je veux que tu chantes avec moi. Je suis l'église de Christ. Je suis l'église de Christ. Je suis l'église de Christ. Je suis l'église de Christ. Je suis l'église de Christ. Je suis l'église de Christ. Je suis l'église de Christ. Je suis l'église de Christ. Voici les poulets à la porte, pour rendre à chacun selon son œuvre. Tout te levera. Les nations se lamenteront à cause de lui. Autopsie dans l'église, il est temps qu'elle se réveille. Autopsie dans l'église, à l'aube des noces, il est temps qu'elle se relève. Autopsie dans l'église, il est temps qu'elle se réveille. Autopsie dans l'église, à l'aube des noces, il est temps qu'elle se relève. À tout le corps de Christ, Spidey vous parle encore, encore et encore.